Je fleuris, hey! Mais il ne donne pas de fruits. Hey! Que la vérité triomphe. Allô Bettina, moi na mama. Allô Bettina, le jeune premier y est pas na barrier. Le jeune premier, à musique na bise et y en est qu'au tout ça. Allô Bettina, à la musique na bise et y en est qu'au tout ça. Allô Bettina. Claudicia Arriba Yaye A Ben Mangol, Kimurandes, Tita Samba Soleil. Halubetina mwana mama, Halubetina, les jeunes premiers van à Paris, les jeunes premiers, Habiloko Yamoto et comme à côté qui ça, Halubetina, Tangangu Mwami et comme à côté Kama, Halubetina, Halubetina mwana mama, Halubetina. Benson Jakite, Folie Diran, CRTV. Jacques Blaise Bien. Max Marcel Apema. Aïe aïe aïe, moi la douma d'atou guéri, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, Andoti mama, andoti, doti ama. Deunda tui. Robert Depré Bagnalas, Alain Saint-Pierre. Andoti, doti, andoti, doti mama, andoti, doti ama, andoti, doti mama. Yves Zongo Junior, Ahmed Bakayoko. Baba Koulibaly. Bamani. Yeah. Tanguzi fani mama, tanguzi fani mama, tanguzi fani batata, tanguzi fani. Butana makindu ya jeune premier. Butana makindu ya bana parier.

Yeah. Michel. Est-ce que tu vas y arriver?